Bosco, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Deux cas suspects de variole de singe sont rapportés à Rumonge. Ces personnes ont été admises à l'hôpital public depuis ce mercredi. Les explications données par la régie des eaux sur le manque d'eau à Bujumbura et dans d'autres villes ne sont pas fondées, selon Gaspard Kobako. Pour cet expert en planification urbaine, cette entreprise ferait mieux de solliciter l'appui des partenaires internationaux. Et dans les nouvelles des Provence, à Kayanza, les agriculteurs réclament des boutures de manioc résistantes à la mosaïque. Et le père Claudio Moirano, ancien recteur du centre jeune Kamenge, n'est plus de ce monde depuis dimanche dernier. Le chanteur Rally Joe, un des musiciens ayant appris la musique à ce centre, témoigne. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Deux cas suspects de variole du singe sont sous traitement à l'hôpital public de Rumonge depuis ce mercredi. Docteur Alexis Nkurunziza, médecin chef de district sanitaire de Rumonge, qui a donné ces chiffres lors d'une réunion communale de riposte épidémiologique, demande à la population de Rumonge de se confier immédiatement à une structure sanitaire dès l'apparition de certains symptômes de cette maladie, alors que de l'eau potable manque cruellement dans la ville de Rumonge et dans d'autres localités. Ce responsable sanitaire demande aux autorités compétentes de tout faire pour résoudre ce problème. Jean-Pierre Misago. Jusque le matin de ce jeudi, deux cas suspects de variole de singe étaient sous traitement à l'hôpital public de Rumonge. Mais c'est un effectif qui peut à tout moment changer, dit docteur Alexis Nkurunziza, médecin-chef de district sanitaire de Rumonge. Cette autorité sanitaire demande à toute personne présentant certains signes évocateurs de cette maladie, comme la fièvre aiguë, de se confier aux formations sanitaires le plus tôt possible, car cette maladie guérit si elle est prise en charge le plus rapidement possible. Lors d'une réunion d'urgence du comité communal de riposte contre les épidémies en commune Rumonge ce jeudi matin, des mesures ont été arrêtées. Parmi ces mesures figure le lavage des mains à l'eau potable et au savon ou l'utilisation des désinfectants. Mais ici, on se heurte au manque criant d'eau potable et dans la ville de Rumonge et dans les milieux ruraux. Ici, la régie des eaux et l'agence de l'hydraulique en milieu rural sont interpellées. Une autre mesure arrêtée dans le sens de stopper la propagation de cette maladie si les examens du laboratoire se montrent positifs a été de redynamiser et renforcer la surveillance épidémiologique au niveau du port commercial de Rumonge. Ici aussi, on fait face à la destruction des infrastructures y affectées par la montée des eaux du lac Tanganyika, mais que ce problème devra être contourné, rassure le médecin chef de district sanitaire de Rumonge. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Certains commerçants exerçant leurs activités au marché côté Boué et Jabé à Bujumbura indiquent qu'il ne leur est pas facile de respecter les mesures d'hygiène sans eau suffisante en cette période d'épidémie de variole du singe dans le pays. Ils réagissent au communiqué du maire de la ville de Bujumbura, intimant tous ceux qui ont des boutiques ou des espaces qui accueillent beaucoup de gens de mettre à leur disposition un kit de lavage des mains. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ont indiqué que même si ce dispositif n'a pas encore été mis en place sur le lieu de travail, le ministère de la Santé devrait plutôt trouver des médicaments pour cette maladie. On fait le point avec Sheila Irambona. Que ce soit au marché de Jabé ou au marché Kotebou, ce qui s'est remarqué, c'est que les kits de lavage des mains n'ont pas été mis à la disposition de ceux qui entrent ou sortent de ces deux marchés. L'autre fait qui s'est remarqué, c'est que les gens continuent à se donner la main ou à faire des accolades sans souci. Certains parmi ceux qui exercent les métiers dans ces marchés témoignent qu'ils ont la peur au ventre à cause de cette épidémie, mais qu'ils ne peuvent pas se protéger car ils n'arrivent pas à avoir de l'eau potable. Ils demandent aux autorités de leur en fournir. Une chose qui survient comme cela est inquiétant. Nous pouvons même l'attraper par l'air. Cela nous fait peur. Qu'ils essaient de nous fournir de l'eau potable pour que nous puissions nous laver les mains autant de fois possible. Qu'ils essayent aussi de trouver un vaccin pour que nous continuions à nous protéger. Même si cette situation se présente ainsi dans ces deux marchés et que ces kits n'ont pas été mis à la disposition de ceux qui fréquentent ces marchés, comme ça a été intimé par le maire de la ville de Bujumbura, le marché dit Bujumbura City Market a mis à la disposition du public des robinets et du savon, même si ces derniers sont utilisés rarement, comme cela a été remarqué. Sheila Irambona. Le rationnement dans la distribution de l'eau se fait, mais se heurte principalement au faible rendement de l'eau suite au matériel vétuste. Explication du directeur général de la régie de distribution d'eau et d'électricité, régie des eaux, dans un point de presse animé lundi après une visite de terrain effectuée auprès de différentes stations de pompage. Jean-Albert Manigomba estime qu'avec l'acquisition de nouveaux équipements, il y aura un léger mieux dans la distribution de l'eau à mairie de Bujumbura et dans la capitale politique, Gitega Suvel. En regardant depuis 2005 jusqu'à 2024, la capitale de Bujumbura a beaucoup augmenté. Il y a une naissance de plusieurs quartiers, mais la régie des eaux n'a pas suivi le même rythme de l'augmentation de la production de l'eau. Alors, nous allons continuer à faire le rationnement, mais il y aura l'amélioration avec ces remplacements de ces pompes, mais aussi avec l'addition de ces deux sources de matières issares. Nous avons aussi d'autres projets, l'eau de forage, surtout dans le site de Bujumbura, vers Luziba. Ça aussi, c'est eau de forage va augmenter la production. Premièrement, les mobiles, c'est la production qui a beaucoup baissé parce que les pompes étaient vraiment très vestiges. Mais avec le remplacement, il y aura quand même l'amélioration. C'est pas seulement à Chalama et Kanyosha. Avec la baisse de la production, c'est-à-dire le rythme de la distribution a aussi diminué. Mais avec l'arrivée de ces pompes que vous venez de voir, la population peut quand même commencer à avoir de l'espoir que d'ici peu de jours, il y aura l'amélioration avec l'arrivée de ces pompes. On est aussi en train de travailler avec les partenaires, surtout avec Gitega, capitale politique, avec le traitement de l'eau de Luvubu. C'est un projet aussi qui va résoudre le problème de l'eau en province de Gitega. À Gitega aussi, les pompes étaient aussi vieux. On devrait les remplacer. Le rendement a aussi diminué à cause de ces pompes. Mais avec l'arrivée de ces pompes, vous avez vu que parmi les pompes, il y a des pompes de forage. On va remplacer les pompes qui étaient là-bas à Gitega. Et je pense que Gizege, le campus de Gizege, va avoir de l'eau après le remplacement de ces pompes. Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des Eaux, une entreprise qui devrait solliciter l'appui des partenaires internationaux qui peuvent fournir de l'eau dans les quartiers du moment qu'il y a urgence. C'est une suggestion faite par Gaspard Kobako, expert en planification urbaine, qui trouve que la vétusté du matériel et l'augmentation sensible de la population, souvent évoquée comme étant les principales raisons de la pénurie d'eau, ne sont pas fondées. Pour lui, il s'agit d'un manque de planification et le gouvernement ferait mieux de faire recours aux experts pour trouver enfin la solution durable au manque d'eau. Et le fait que l'eau manque partout, ce n'est pas parce qu'il y a eu augmentation. C'est plutôt qu'il y a un manque de planification et peut-être une mauvaise gestion et peut-être un problème technique. C'est ce qui est visible sur le terrain. Ça, ce sont les faits. Ce n'est pas à cause de l'augmentation sensible de la population. Et même s'il y avait une augmentation sensible de la population, la régie des eaux devrait y faire face. 1. Par la prévision. 2. Par l'exécution des projets. 3. Par l'importation du matériel nécessaire afin de fournir de l'eau par une adduction adéquate. Le deuxième argument que nous devrions avancer est la croissance de la population urbaine de Bujumbura. C'est à quel rythme? D'ailleurs, ce n'est pas Bujumbura qui manque seulement de l'eau. On entend partout dans le pays, dans certaines villes, qu'il y a carence de l'eau, pendant que notre pays regorge de beaucoup d'eau sur les quatre coins de l'horizon. Ce n'est pas normal. Donc, on devrait trouver une explication ailleurs et donner une explication réelle, convaincante, qui n'est pas évasive. Donc, il faut recourir aux services techniques, il faut recourir aux intelligences, il faut recourir à la coopération pour fournir de l'eau. Et dans le cas de figure, je crois qu'il y a des organismes internationaux qui fournissent sans cesse de l'eau lorsqu'il y a un problème. Par l'état qui court, vous savez qu'il y a un problème de choléra. C'est un problème qui doit être résolu. On ne peut pas dire dans une année, dans deux, dans trois ans, c'est là où il va y avoir de l'eau, aussi bien pour la population burundaise que pour la population urbaine en particulier. parce qu'il y a urgence. Il y a la variole du singe et cette maladie est en train de faire des ravages. On recommande notamment qu'on se lave les mains chaque fois qu'on passe sur un point d'eau. Et si cette eau manque, ça veut dire qu'on ouvre la voie à la propagation de l'épidémie. Et ça, c'est très dangereux. Gaspard Kobako, expert en planification urbaine. Isanganiro, la radio de l'avenir. Des agriculteurs de la colline Nyamisagara, en commune Kabarore de la province Kayanza, souhaitent avoir des boutures de manioc résistantes à la mosaïque. Ils font savoir que cette culture était d'une grande utilité ces derniers jours dans l'alimentation des familles. Adeline Yonsaba, directeur du bureau provincial en charge de l'agriculture, élevage et protection de l'environnement, indique que des études pour une nouvelle variété de manioc résistante à la maladie de ce tubercule sont en cours à Lisabou. Il demande aux agriculteurs de continuer à planter les boutures de manioc non encore atteintes par la maladie. Patrick Saint-Guillaume. Les agriculteurs de la colline Nyamisagara en commune Kabarore de la province Kayanza, contactés au sujet de la maladie qui attaque la plante des manioc, nous ont fait savoir que la production agricole de cette culture a beaucoup chuté à cause de cette maladie. Ils font savoir que la mosaïque attaque beaucoup le manioc et que les plantes des manioc se fanent avant la maturité. Certains d'entre eux disent qu'ils ne cultivaient plus cette plante, mais déplorent que les dernières années, le manioc était une culture vivrielle qui était très importante en ce qui est de l'équilibre alimentaire. Les agriculteurs de la colline Nyamisagara en commune Kabarore demande au bureau en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement de les retrouver des boutures de manioc à planter qui sont résistantes à la maladie dite mosaïque. Adeline Yonsaba, directeur à ce bureau, tranquillise les agriculteurs de la colline Nyamisagara. Des études de recherche d'une nouvelle plante de manioc sont en cours dans l'Institut des sciences agronomiques du Burundi. Il demande aux agriculteurs de continuer à faire recours aux boutures de manioc non encore atteintes par la mosaïque en attendant les résultats de cette recherche. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Le père Claudio Marano, ancien recteur du centre jeune Kamenge, qui a rendu son âme dimanche, a joué un grand rôle pour réconcilier les jeunes des quartiers nord et de différentes ethnies pendant la guerre. Témoignage d'enchanteur Niwizi Jorali, alias Ralijo, un des musiciens ayant appris la musique à ce centre. Il ajoute qu'à part la réconciliation, le père Claudio était toujours près des jeunes pour leur prodiguer des conseils constructifs en rapport avec les bienfaits de l'école. Suivez-le. Premièrement, nous tous qui avons fréquenté le centre jeune Kamenge, venons de perdre une grande personnalité, plein de bravoure. Père Claudio avait un cœur dur, rempli aussi d'un esprit d'amour. Il n'était pas facile de réconcilier les jeunes qui venaient dans les différentes zones des quartiers nord et de les mettre ensemble en partageant les activités ensemble alors qu'ils venaient de passer dans des situations de crise. Il y avait des crises qui concernaient des ethnies chez nous, ici au Kateno, où les jeunes d'Ongagara ou Chibitoke ne pouvaient pas mettre leurs pieds à Kamenge ou à Kinama. Même chose aux jeunes de Kamenge et Kinama qui ne pouvaient pas faire la même chose à Ngagara ou à Chibitoke. Mais lui, Claude, il avait trop de stratégies qui les avaient pousser d'être ensemble et de se réconcilier sans avoir autre chose à côté. Je peux pas dire trop de choses, mais condoléances à nous tous encore. Et voilà, elle quitte ce monde et c'est un au revoir au centre Jean Kamenge encore. Mais c'est comme ça, nous tous, nous sommes des passagers. Ce qu'il avait fait à nous, on peut pas oublier ça. C'est choquant, mais nous n'avons pas notre choix. La judokate burundaise Ange Ciela Niragira vient de perdre son combat aux Jeux Olympiques de Paris en France, qui était programmé ce jeudi à 10h35. Elle s'est inclinée face à la polonaise Beata Pakot par un score de 10 points à 0 pour un combat qui n'aura duré que 57 secondes sur les 5 minutes prévues pour le jeu. Entre-temps, Rodrigue Cuisera, coureur sur 5000 et 10 000 mètres, est déclaré forfait à ces jeux suite à une blessure. Il regrette naturellement de rater une occasion en or, mais espère se racheter quand il se remettra de sa blessure. On écoute. Kuri jewe n'umubabaro kuko ntashoboye kuzitabira kumvo z'ububabare bwo kuguru niyo mpamvu ntavuye nitabira. Je suis vraiment désolé pour avoir raté cette occasion de participer aux Jeux Olympiques suite aux douleurs que j'ai connues au niveau de ma jambe. Auparavant, j'estimais que ces Jeux olympiques allaient commencer en état normal, mais ça n'a pas été le cas. C'est aussi désolant pour mes supporters qui s'attendaient à de bons résultats de ma part dans ces Jeux olympiques. Veuillez m'excuser, s'il vous plaît. Le docteur, assurant le suivi de ma santé, m'exhorte de me reposer pour être soigné convenablement. Les soins, c'est ce qui me préoccupe pour le moment. J'espère faire mieux lors de mon retour avec une bonne santé. Si j'aurai la chance d'être à Paris, ça serait ma première participation aux Jeux olympiques. Mais je ne parviens pas. Ça ne fait rien malgré tout. J'espère que je participerai le tour suivant. C'est vrai, je figurais sur la liste des Burundais qualifiés à ces Jeux. Bon, à ce moment-là, l'espoir était que je serais en bon état avant que ces Jeux olympiques ne démarrent. Mais ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. En actualité internationale, le tribunal de Conakry a reconnu mercredi Moussa Dadis Camara et certains de ses ministres coupables de crimes contre l'humanité. L'ex-chef de la junte au pouvoir en Guinée était poursuivi dans le cadre du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. En effet, le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes avaient été tuées lors de la répression d'un rassemblement de l'opposition à Conakry, alors que des centaines d'autres avaient été blessées et 109 femmes violées, selon une commission d'enquête internationale mandatée par les Nations Unies. Amnesty International a salué un verdict historique qui pourra servir d'exemple dans le monde entier en Guinée, où l'utilisation illégale d'armes à feu et l'utilisation excessive de la force lors de manifestations restent monnaie courante. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.